Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Une visite au musée est toujours une aventure. Mais avant le musée, il existait des collections, des cabinets de curiosités, un fatras charmant et très plaisant où se côtoient œuvres d'art, objets insolites et curiosités de la nature. Une accumulation qui titille notre curiosité. Et parfois, la radio ressemble à un cabinet de curiosité. C'est un peu ça, France Culture. La visite commence de bon matin, matin au pluriel. Elle se poursuit par la découverte d'un peu d'histoire, puis d'une édition rare d'un philosophe édifiant qui nous conduit sur ses chemins. Tiens, voici des objets exotiques venus de l'autre bout du monde, car cette curiosité est celle d'une culture monde, avec du mobilier, bien sûr, de l'ébénisterie. Rien n'est mis de côté. Voici une grande table, quelques instruments de musique aussi, un gros coquillage. Tiens, entendez-vous l'écho? Ah, c'est un régal de se perdre dans ces curiosités. Une compagnie des œuvres. D'autres curiosités encore. Celles-ci, elles sont scientifiques, dans la méthode du même nom. Puis un peu de LSD qu'on ne prend pas, mais qu'on prend, qu'on se régale. Et voici le temps du débat. Par les temps qui courent, je vous parle même pas des nuits. Et il y en a d'autres. Et j'en passe. Oui, nous aimons les curiosités, même radiophoniques, surtout radiophoniques, tout simplement parce que nous sommes curieux. Semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, culture et territoire, autrement dit l'œuf ou la poule, est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? En tout cas, dans tous les cas, la culture rend compréhensible les territoires. Nous avons évoqué les fouilles archéologiques et leur mise en valeur, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast La Balade des Diffusions et puis nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous allons au musée. Oui, comment se sont mis en place les musées, comment les musées exposent leur territoire. Vous allez nous en parler, Arnaud Bertinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire de l'art et du patrimoine à l'Université Paris 1. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les musées de Napoléon III, une institution pour les arts ». Donc là, nous sommes au 19e siècle, 1849-1872. C'est sur la couverture de votre ouvrage. Vous avez publié aussi des musées de Metz au musée de la Cour d'Or. Un focus sur ce musée de Metz. Pourquoi ce musée-là? Pourquoi ce musée-là? Alors, parce que dans ma jeunesse de jeune étudiant en histoire de l'art, j'ai fait un mémoire de Master 1 sur les musées de Metz, c'est parce que je suis originaire de Metz. Et il y a quelque chose d'intéressant avec ce musée-là, dans la réflexion du territoire, c'est qu'il a connu plusieurs pays. Eh oui, parce qu'il y a l'annexion de 1870, et puis il y a la seconde annexion en 1940, et donc on a un musée qui est confronté à une administration française, puis une administration allemande, puis un retour à la France. Et une annexion beaucoup plus dure en 1940 et un nouveau retour à la France en 1945. Donc une vision transnationale du musée à travers une même institution. Le musée de Metz, mais avec vous Arnaud Bertinet, nous allons visiter tous les musées de France, que ce soit les musées municipaux ou les musées nationaux. Et puis pour réfléchir à la transmission du savoir, que ce soit à travers le musée ou à travers les bibliothèques, nous allons discuter avec vous, Michel Pech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'éducation au contenu et à l'information de Bibliothèques sans frontières. La question des bibliothèques est essentielle dans la diffusion de la culture. Nous voyons la bibliothèque en tant que lieu. Maintenant, nous connaissons la bibliothèque virtuelle. C'est le cas de Gallica, le site de la Bibliothèque nationale qui propose des millions d'ouvrages numérisés. Mais vous, c'est Bibliothèques sans frontières. Vous nous rappelez ce qu'est cette Bibliothèque sans frontières? Oui, Bibliothèque sans frontières, c'est une organisation qui a vocation à porter la connaissance à ceux qui en sont privés à travers le monde. Donc on a une acception très large de la bibliothèque comme un espace qui appartient à la communauté et qui permet cette transmission du savoir. Voilà, partout, donc à travers le monde, mais également en France. Absolument. C'est en ça que ça nous intéresse encore plus, c'est-à-dire que la notion de territoire n'est pas simplement une notion de territoire national, elle est internationale et après elle se comprend également dans les quartiers et les banlieues. Parce qu'il y a des œuvres de Bibliothèques sans frontières vraiment dans les quartiers aussi. Absolument, dans les quartiers populaires comme dans les zones rurales et cette question du territoire est vraiment essentielle. Eh bien nous allons parler de musées et de bibliothèques, mais pour le moment je vous propose de faire un petit tour au Havre. Oui, au Havre pour aller rencontrer des dockers. Ces dockers ont parlé dans l'émission de la deuxième chaîne de la télévision française Vivre aujourd'hui. Nous étions le 14 janvier 1973 et dans cette émission la question posée aux dockers était qu'est-ce que ça veut dire d'aller au musée? Écoutez les réponses comme elles sont intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans un musée? Aller dans un musée. Bah, c'est aller là où, en principe, on réunit des œuvres d'art pour les découvrir. Enfin, pour moi, c'est ça. Et ça ne pose pas de problème pour aucun de vous? Est-ce que c'est un geste que vous faites habituellement ou... Oh non, du tout. Assez... Moi, oh non, c'est peu courant. Aller dans un musée, pour moi, parlant personnellement, eh bien, c'est aller à la découverte d'un monde qui est inconnu. Parce que la manière dont sont faites les œuvres d'art qui sont exposées dans un musée, ou des pièces de musique jouées dans un amphithéâtre, ou du théâtre joué dans une grande salle, c'est des choses qu'on ignore. On en ignore presque le but, la manière dont c'est créé, comment c'est parti, comment c'est joué, comment c'est rodé, une toile, comment c'est fait. C'est un peu aller à la découverte d'un tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Aller à la découverte d'un tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce que disaient des dockers en 1973, des dockers du Havre à qui l'on demandait « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'aller au musée ?» Et dans leur réponse, il y a toujours cette volonté de comprendre. Dans la volonté, en 1973, de voir des dockers, c'est pour expliquer une diffusion ou pas de la culture. Arnaud Bertinet, l'histoire cependant à un musée, pendant longtemps... La culture au sens création d'œuvres d'art était réservée à une élite. C'était les cabinets de curiosité. C'est ainsi que ça se construisait. Alors, les cabinets de curiosité, qui sont effectivement une des premières formes du musée, sont un lieu élitiste, effectivement, puisque ce sont les collectionneurs privés qui vont développer un amour pour des objets rares, curieux, exotiques, donc qui développent ces chambres d'art et de merveilles, les Kunstwunderkammer, dans l'optique de se mettre aussi en valeur par leur collection. Et de montrer leur collection. Il y a souvent cette expression qui est utilisée d'un macrocosme dans un microcosme, puisqu'en fait, on a toute la création rare du monde qui se retrouve dans une toute petite pièce. Et on, bien entendu, on se met en valeur en présentant ces objets. Et en parallèle des cabinets de curiosité, il y a vraiment les collections. Alors là, on réfléchit plus facilement à la peinture et à la sculpture, notamment les collections royales, et dans le même mouvement, hein, d'exposer son faste, son pouvoir. Alors c'est deux mouvements parallèles, en fait. Les cabinets de curiosité, c'est beaucoup au départ le nord de l'Europe. Et les collections, ça va être plus le sud de l'Europe, l'Italie notamment. Et les deux se rencontrent et on a des cabinets de curiosité en Italie, des collections dans le nord de l'Europe, toujours dans cette même optique effectivement du faste, de la mise en valeur du souverain ou de la personnalité qui a réuni la collection. Avec très vite aussi l'idée de partager cette collection avec les artistes dans un premier temps qui s'en servent comme modèle, puisque c'est le modèle du beau antique qui va servir aux artistes de la Renaissance. Ce que vous dites là, Arnaud Bertinet, est au cœur de la conception première du musée. À quoi sert un musée? Le musée est un endroit où l'on peut aller voir des œuvres d'art dans le but de les copier. Donc il est réservé à une toute petite catégorie de la population, c'est-à-dire les artistes et puis les amateurs. Alors, les artistes dans un premier temps, les artistes d'ailleurs qui pendant très longtemps vont se battre contre le roi qui ne veut pas montrer sa collection royale en France. Il faut attendre 1750 pour que Louis XV accepte de montrer une toute petite partie de la collection au Luxembourg. Et les amateurs qui sont les soutiens effectivement des artistes, qui sont moins présents dans un premier temps, puis qui vont devenir très présents par la suite dans le cadre du développement du musée en France ou à l'étranger. Bien justement, ce développement du musée en France, est-ce que l'on peut l'associer à la Révolution française? C'est vrai que c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître de l'institution, mais cette institution est créée dans une réflexion plus globale qui date des Lumières. Alors c'est une réflexion plus globale effectivement qui date d'avant la Révolution, puisque on a des proto-musées dans toute l'Europe, on a des musées très importants en Allemagne, à Cassel, à Düsseldorf, et puis en France, dès 1787, vous avez un musée à Dijon qui a le nom de musée. C'est le musée créé par François de Vosges au sein de l'Académie des États de Bourgogne. Et on a un projet royal sous Louis XVI, d'Angivillé, qui est l'intendant des bâtiments du roi, projette de transformer le Louvre en musée. Le projet n'est pas mené à son terme, faute d'argent, en fait, faute de financement. On est dans une crise économique assez importante. Et le musée verra le jour, le Muséum central verra le jour finalement sous la Révolution en 1793, mais c'est effectivement un très long cheminement. Le Pio Clementino au Vatican, c'est les années 1770, mais avec une collection qui était déjà présentée au public romain depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire que le musée n'est pas simplement réservé donc à une toute petite élite qui veut se faire montrer, qui n'est pas réservé simplement aux artistes, il y a aussi la volonté d'exposer. Alors, peut-être pas au plus grand nombre, mais quand même, les portes sont ouvertes. Quelle est l'ambition, en fait, d'un musée ? L'ambition d'un musée. Alors, au XIXe siècle, ça va être d'édifier le peuple, mais on peut parler d'éducation aussi. David, durant la Révolution, parle d'un musée qui doit être ouvert aux instituteurs et à leurs élèves, et aussi, et surtout, au père et à son fils. Donc, on a l'idée vraiment d'une transmission qui se fait entre générations par l'édification devant les œuvres. Arnaud Bertinet, justement, nous allons écouter ce qu'écrivait Chaptal. Alors, c'était le 13 Fructidor en 9, autrement dit en 1801. Chaptal présentait un rapport au consul de la République. Chaptal, à ce moment-là, est ministre de l'Intérieur et il propose une réflexion sur les musées qui nous est lue ce matin en direct dans le cours de l'histoire par Nathalie Canoui. Des arts présente en ce moment la plus riche collection de tableaux et de statues antiques qu'il y ait en Europe. Là se trouvent toutes les richesses qui existaient éparses avant la Révolution. La réunion de ces chefs-d'œuvre a été sans doute un avantage dans ces moments de crise où le souffle du vandalisme dévorait impitoyablement les œuvres de génie. Elle fut encore un besoin lorsque nos armées victorieuses ont apporté parmi nous les nombreuses richesses de l'Italie. Mais ces temps ne sont plus. Et nous devons chercher aujourd'hui à concilier le plus grand avantage des arts avec les devoirs que nous avons à remplir envers les départements dont quelques-uns nous ont enrichis de leurs dépouilles et qui tous ont concouru à nous approprier les riches monuments des nations vaincues. En effet, la vue du beau, bien mieux que les leçons, développe le talent et inspire l'artiste. Le tableau précieux qui pourrait être à côté d'un plus précieux encore n'arrête plus les regards, reconquérera ses droits à l'admiration lorsqu'il sera isolé et rendu, pour ainsi dire, à lui-même. Quelques-uns même, rapportés dans le pays qui les vit naître, y prendront un nouvel intérêt par les traditions et le récit des circonstances qui s'attachent toujours aux productions de quelques mérites. Les habitants d'Anvers, de Montpellier, des Andelys, s'enorgueilliront de montrer à l'étranger des chefs-d'œuvre de leurs compatriotes Rubens, Bourdon et Poussin. Et le voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République qui ne lui offre ou une riche collection de tableaux ou l'œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son pays. Un rapport présenté par le ministre de l'Intérieur, Chaptal, au consul, nous sommes en 1801. Dans ce rapport qui nous a été lu par Nathalie Canoui, nous voyons bien, Arnaud Bertinet, que le territoire a une place. C'est-à-dire que dans la conception du musée, il y a une conception nationale, de fierté nationale, mais également de territoire plus locaux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il évoque les Andelys, Montpellier. Comment se construit au début du 19e siècle, par le pouvoir, hein, l'image d'un musée, c'est-à-dire c'est un musée national avec un rayonnement plus local ? Alors c'est un musée national, c'est un musée qui s'est construit sur les saisies des biens sous la Révolution, de la couronne, des émigrés, du clergé, de l'Église, et par les spoliations à l'étranger. Ces collections sont immenses, elles arrivent à Paris, on va transformer le Louvre, présenter les collections saisies à l'étranger justement dans une optique de glorification des armées révolutionnaires puis impériales. Et que fait-on des autres collections ? Et comme on a saisi sur l'ensemble du territoire et que les œuvres très importantes aussi de régions sont revenues vers Paris, vers ce Louvre et ce Muséum central, l'idée va être, dans une volonté de pacification aussi des territoires, de remerciement des villes pro-révolutionnaires ou au contraire pour apaiser les tensions dans des villes contre-révolutionnaires, d'envoyer des œuvres dans une optique de politique culturelle, même si on est ou pas dans une politique culturelle. Voilà, politique culturelle, en tout cas une action culturelle, une réflexion autour de la culture, mais on pourrait dire, Arnaud Bertinet, autour de la politique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans la diffusion des œuvres d'art sur le territoire de marquer, alors de magnifier la France, puis très vite au début du 19e siècle, de magnifier le pouvoir napoléonien, puis celui des rois qui le suivent. Voilà, met en valeur le régime, le souverain quand il s'agit de Napoléon. Louvre est rebaptisé Musée Napoléon à l'époque, mais aussi, effectivement, durant la Restauration, sous Louis-Philippe, sous le Second Empire, on a une institution extrêmement politique, le musée, avec une idée de magnificence du souverain, une mise en valeur de la personne du souverain à travers l'institution. Et alors dites-nous, Arnaud Bertinet, dans cette construction où il y a un musée national à Paris, le Louvre, et puis des musées qui se trouvent dans des villes ailleurs en province, il y a des tensions, j'imagine, c'est-à-dire que ces œuvres qui remontent vers Paris doivent être sans cesse réclamées par ceux à qui on les a prises. Alors effectivement, par exemple, à Tours, on réclame les tableaux qui proviennent de la collection du cardinal de Richelieu, et en échange, et pour apaiser les tensions, on va renvoyer le Montaignat, le fameux Montaignat qui est toujours au Musée des Beaux-Arts de Tours, pour apaiser la colère locale. Et c'est justement ces envois chaptals, c'est aussi une façon d'apaiser les volontés locales et de montrer qu'on est dans une optique de discussion entre Paris, l'administration centrale et la province, mais la Révolution met en place, on va dire, une administration très centralisée au départ. Donc c'est l'administration centralisée qui gagne toujours. Souvent. Beaucoup moins maintenant. Voilà, beaucoup moins maintenant, c'est-à-dire que l'administration centralisée bénéficie d'un navire magistral qui est ce musée national, qui est le Louvre, qui focalise les attentions. Cependant, au niveau local, dans les villes, il y a une fierté de posséder un musée. C'est-à-dire que nous regardons souvent l'ensemble du territoire, et c'est vrai que le Louvre camoufle en fait le reste des musées, mais si nous nous plaçons au 19e siècle au niveau local, il y a la fierté du musée. Il y a une immense fierté locale, c'est les petites patries qui vont se développer aussi au sein des musées, justement, et on va avoir l'idée que le musée est le lieu que chaque ville doit posséder en fait pour se mettre en valeur par rapport à la ville d'à côté. Eh bien, en cela, le musée expose vraiment le territoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Territoire et culture, l'œuf ou la poule, les musées contribuent à la relation très forte qui unissent la culture et le territoire. Comment la culture permet de comprendre un territoire. Nous allons faire un petit tour au musée, ça me semble complètement normal, avec un gardien de musée qui se fait un peu guide en même temps, et pas n'importe lequel, c'est Bourvil dans le film de Sacha Guitry, « Si Versailles m'était compté ». Vive et vide et passez devant. Par ici, mesdames et messieurs. Avancez. C'est beau, hein? C'est beau. La visite du château, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons la terminer là, dans ce très beau salon, qui peut être considéré comme une des plus belles pièces du château de Versailles. J'aurais pu vous donner beaucoup plus de détails sur chacun des salons que nous avons traversés, je m'en suis abstenu. Pourquoi affirmer que tel fait historique s'est produit là ou là? L'important, à mon sens, c'est qu'il se sera produit, n'est-ce pas? Les omissions, les erreurs, tout comme les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet, n'est-ce pas? Les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet, disait Bourvil dans le film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté. C'était en 1954, Arnaud Bertinet. Alors, c'est Sacha Guitry, ce sont les années 1950, mais malgré tout, ce que dit Bourvil reflète un peu ce qu'étaient les musées au 19e siècle. Je ne parle même pas des conservateurs, mais c'est-à-dire que les conservateurs n'existaient pas et il y avait une pluralité de formes dans ce premier 19e siècle sur la manière d'organiser les musées, et c'est le cœur qui parlait avant tout. Il y a cette idée de présenter les collections comme un parterre de fleurs, par exemple, à une époque, de mettre en valeur les œuvres par les couleurs. On va mettre les œuvres qui ont des couleurs qui se marient bien ensemble, les unes à côté des autres. Et puis, progressivement, mais très rapidement, une histoire de l'art naît, se développe. Et les classements par école nationale, par école locale aussi, vont voir le jour. Et on va arranger les salles, on va doucement commencé à alléger la présentation aussi des œuvres en ayant moins de tableaux collés les uns aux autres, mais ça reste, on va dire, effectivement, souvent assez étonnant, puisque chaque musée en région a son Raphaël, son Poussin ou son Rembrandt. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, il le faut. Ce sont les œuvres d'art qui sont nécessaires dans tous les musées à ce moment-là. Chaque conservateur doit avoir dans son catalogue ces œuvres-là, bien entendu. Ensuite, l'administration centrale va commencer à envoyer des premiers inspecteurs de province qui n'ont pas forcément ce titre des musées, et eux vont désattribuer aux grandes dames des collectionneurs locaux et des conservateurs qui sont extrêmement choqués que le Parisien vienne et ose dire que ce Poussin n'est pas un Poussin. Et là, d'un seul coup, le musée perd son Poussin dans les musées de Napoléon III, une institution pour les arts, 1849-1872, Arnaud Bertinet. Vous nous montrez, en fait, au-delà simplement du musée de Napoléon III ou des musées de Napoléon III, comment se met en place un nouveau métier, celui de conservateur. Avant les conservateurs, on va dire que localement, des érudits pouvaient gérer le musée, ça peut même être le curé du coin, ça peut être, c'est souvent ça. Oui, bah, les conservateurs, ça peut être effectivement un érudit local, souvent un artiste aussi, le directeur de l'école de peinture, quelqu'un qui a des velléités artistiques, et les sociétés, des amis ou des sociétés intellectuelles qui vont développer les musées. À Amiens, c'est un avocat qui est à la tête de la Société des antiquaires de Picardie lorsqu'on élève le musée à la gloire de Napoléon III et du Second Empire. Alors comment on se met en place ce métier de conservateur ? Il y a une nécessité de catalogage, à ça on demande à de cataloguer les œuvres dans les musées, et c'est de là que va se constituer un métier particulier. La professionnalisation naît effectivement des inventaires, de la nécessité des catalogues, et là ce qui est intéressant c'est que pour envoyer des œuvres vers les régions, l'État demande des inventaires et des catalogues aux musées de province, et c'est comme ça qu'on va se rendre compte de la richesse des collections en région. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les artistes commencent à laisser la place à des gens qui ont une formation universitaire, mais il n'y a pas d'histoire de l'art à l'université à l'époque, donc des gens de lettres, des gens qui ont fait des études d'histoire. Et au fur et à mesure, et jusqu'à la création de l'école du Louvre en 1882, on va voir une professionnalisation du métier. Alors cette professionnalisation du métier, d'ailleurs, peut avoir des incidences. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une uniformisation de formation, que ce soit partout en France, le pouvoir va moins avoir la capacité d'imposer ses volontés. Un conservateur est là pour conserver, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les œuvres, normalement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les œuvres normalement, il y a un cadre légal effectivement. Ensuite, dans les musées en région, souvent le conservateur est démiurge et fait ce qu'il souhaite des œuvres, des collections, de la présentation des collections. On a souvent aussi de très lourdes polémiques entre la mairie même et le conservateur. Bien justement, nous allons descendre au niveau municipal, Arnaud Bertinet. Nous allons écouter un extrait de considérations sur les musées de province et notices sur le musée de Pau. C'est une plaquette écrite en 1873 par Jacques Lecœur, une réflexion autour des musées qui nous est lue ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Nathalie Canouille. Si les conseils municipaux de quelques villes témoignent des dispositions favorables, il en est beaucoup d'autres qui considèrent comme parfaitement inutile le chapitre des beaux-arts, ou qui ne comprennent dans ce chapitre que le théâtre et les courses hippiques. Et pourtant, en y réfléchissant, les esprits sérieux devraient comprendre que les musées ne sont pas seulement une affaire de luxe, une satisfaction donnée à quelques hommes de goût, mais qu'ils sont ouverts à tout le monde et qu'ils deviendront partout populaires comme ils le sont déjà dans bien des villes où ils sont un moyen latent de moralisation et d'instruction. À la vue des portraits des bienfaiteurs de l'humanité, des guerriers qui ont contribué à la défense et à la gloire de la patrie, le respect et l'admiration s'imposent aux masses et font vibrer en elles les fibres du bien et du patriotisme. Les faits historiques représentés les intéressent et les instruisent, ou développent du moins en elles le désir de l'instruction. Merci. Merci Nathalie Canouy pour cette lecture de considérations sur les musées de province et notice sur le musée de Pau de Charles Le Coeur. C'est en 1873, donc sous la République, la Troisième République. Arnaud Bertinet, nous voyons ici des réflexions qui font écho à notre présent en disant à certaines villes, certaines municipalités, mais souciez-vous de vos musées, souciez-vous de la culture et pas seulement du théâtre, c'est-à-dire du spectacle et des courses hippiques. Donc il y a cette volonté d'imposer la culture par le musée. Il y a cette volonté d'imposer la culture par musée et il y a ce drame continuel du musée qui manque d'argent et de financement depuis les origines, en fait. Donc ça, c'est assez fascinant. Le cœur le dit, mais on retrouve exactement les mêmes termes dans tout un tas d'autres villes et sous la Troisième République, sous la Quatrième République, sous la Cinquième République. Et j'espère que ça va pas durer, mais si, on le sent, ça va durer. Les conditions du monde de la culture aujourd'hui. Arnaud Bertinet, vous parlez de ces problèmes d'argent. Vous avez étudié spécifiquement les musées de Metz. À Metz, c'est le cas aussi. Il y a des problèmes de sous. Oui, ça a été très longtemps le cas, jusqu'à ce qu'en fait, en 1957, un jeune conservateur arrive dans un musée qui est dans un état catastrophique, qui se relève très difficilement de la Seconde Guerre mondiale et qui va avoir une politique très active de lobbying. Il est membre de l'École de Paris, il connaît beaucoup les artistes de la Seconde École de Paris, donc il arrive à obtenir beaucoup d'œuvres. Il va faire beaucoup d'entrisme en local pour développer son musée et finalement il obtiendra beaucoup d'argent dans les années 1970 en compensation des destructions patrimoniales messines, puisque le maire de l'époque notamment va transformer profondément l'architecture urbaine et on a beaucoup d'œuvres archéologiques qui arrivent au musée. C'est massif et il faut bien mettre ces œuvres quelque part, et donc Collot lance ce projet de transformation des musées de Metz, qui n'a pas été menée à son terme puisqu'il s'est arrêté en 1980, et la seconde phase n'a pas été menée à son terme parce que le maire de l'époque considère que le public, qui est massif, beaucoup plus qu'avant, n'est pas suffisant quoi qu'il en soit et que finalement il ne rentre pas dans ses frais. La démocratisation de l'accès aux musées est un élément essentiel pour comprendre la place que ces musées ont dans le territoire. Mais Arnaud Bertinet, à vous écouter, que ce soit pour le cas de Metz après la Seconde Guerre mondiale, mais même auparavant, on pourrait commencer sous l'Ancien Régime avec le musée de Dijon, il y a des volontés personnelles. On sent que la volonté d'individu peut infléchir une politique muséale sur un territoire. Totalement. Si ces hommes sont là, ils peuvent transformer l'institution. Et dès les origines, par exemple, Montpellier n'obtient pas d'envoi Chaptal en 1801. Mais le musée de Montpellier est un des plus beaux musées de France, toujours de nos jours. Et c'est dû en partie à François-Xavier Fabre, un élève de David, qui est parti en Italie, qui n'est pas rentré en France durant la Révolution, parce que, contrairement à ses amis d'atelier, il n'était pas forcément très révolutionnaire, qui collectionne énormément et quand il revient, donne sa collection, puis lègue sa collection et crée cet incroyable musée qui est le musée de Montpellier. Voilà, le musée Fabre à Montpellier. Et dans ce jeu constant, il y a ce dialogue avec Paris et cette politique de dépôt d'œuvres qui est toujours d'actualité. Le Louvre, dans ses réserves, dispose de trésors magnifiques et je pense que certains musées aimeraient bien les exposer. Je ne sais pas s'il y a des trésors dans les réserves du Louvre. Il y a des œuvres, oui. Il y a aussi beaucoup de tessons archéologiques. Le Louvre-Lens a été en partie créé aussi pour ça. Voilà, d'où une autre politique territoriale liée au musée avec la création d'annexes, que ce soit pour le Louvre, que ce soit pour le Centre Pompidou également. Donc la création d'annexes. Écoutez, je pense qu'il est temps d'aller rendre visite à celui qui est vraiment important, parce que c'est celui que l'on voit quand on se rend au musée, c'est le gardien. Oui, le gardien de musée, on l'oublie trop souvent, mais c'est lui qui évolue au milieu des œuvres d'art, le gardien de musée qui est chanté dans le cours de l'histoire sur France Culture par le groupe Les Blaireaux. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse cette galerie, c'est la mienne. Si vous me cherchez, je suis toujours posté dans un coin de la salle des mythes antiques, à côté de Vulcain, contrit et contraint. de voir sa femme exposée en public, nue sous les zéphyrs, belle à en mourir. Vénus ignore la foule des curieux. Ah, moi c'est pas pareil, il faut bien que je la surveille. Je ne peux pas la quitter des yeux. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse, cette galerie c'est la mienne. J'ai une collègue, Fernande, de la galerie allemande, qui vient me faire du gringue pendant la pause. René, pour les vacances, y a des vols pour Florence, en plein soleil, ça doit être autre chose, non? Je dis oui, mais sans plus, je pense à ma Vénus, dans sa coquille Saint-Jacques au bord de l'eau. Je remets vite ma casquette, j'écrase ma cigarette et je retourne à mon Quattrocento. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse, cette galerie, c'est la mienne. Les Blaireaux, dans le cours de l'histoire sur France Culture, les Blaireaux qui chantent le gardien de musée, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Père et le Gras, avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons au lien entre culture et territoire du musée, qui diffuse la culture, mais également de la bibliothèque. Et aujourd'hui, la bibliothèque n'est plus simplement statique, la bibliothèque peut bouger. Et avec vous, Mucheng Pech, nous allons évoquer alors ces projets de bibliothèque sans frontières, et notamment, alors j'adore ce concept, hein, Idea Box. Vous nous expliquez ce que c'est ? Bien sûr. Alors les Idea Box, effectivement, sont des bibliothèques mobiles, sont des médiathèques portatives qui tiennent sur deux palettes, qui sont contenues dans ce qu'on appelle des flycases, qui sont ces boîtes colorées qu'on utilise pour transporter les instruments de musique. Et quand ces boîtes s'ouvrent, ça crée un espace d'une centaine de mètres carrés qui peut accueillir le public et qui crée comme ça un événement là où l'Idea Box se déploie. Et alors, ce que l'on trouve dans ces boîtes, ce n'est pas simplement des livres, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on frôle la médiathèque, ouais. Il y a de tout. Exactement, c'est l'essentiel finalement d'une médiathèque qu'on va retrouver au sein de l'Idea Box. J'aimais beaucoup l'expression que vous utilisiez, Arnaud, tout à l'heure, un macrocosme dans un microcosme. Alors, avec humilité, c'est ce qu'on essaye de refaire dans les Idea Box. On va y trouver des livres papier, bien sûr, mais aussi des livres numériques, du matériel informatique pour accéder aux bibliothèques numériques au sein de l'Idea Box, mais surtout on va y trouver du matériel pour créer du contenu localement par les usagers de la bibliothèque. Avec notamment du Wi-Fi. Le Wi-Fi est une question de culture et de territoire. Nous l'avons tous vécu quand nous sommes dans une zone où il n'y a pas de Wi-Fi. Déjà, on s'en porte mieux parfois, mais parfois nous sommes un petit peu perdus. Et le public que vous visez, Mucheng Pech, avec ses Idea Box, justement, peut avoir vraiment besoin de Wi-Fi. Exactement, on essaye de toucher avec ces Idea Box les publics qui sont les plus vulnérables. En France comme à l'international, en France on va travailler dans les quartiers qu'on dit politiques de la ville ou dans les zones rurales. Et on va essayer de créer des ponts entre les services publics, les bibliothèques en dur qui existent et les populations qui parfois ne les fréquentent pas. Alors parfois pour des questions d'accès physique, mais aussi parfois pour des questions d'accessibilité symbolique. Il y a des barrières psychologiques, sociales, qui font que les gens n'osent pas forcément aller en bibliothèque par eux-mêmes. Et donc on essaie de recréer ces ponts de médiation entre les populations des territoires et les services publics. Vous avez utilisé, Mucheng Pech, ce mot essentiel qui est celui de médiation. C'est-à-dire que la culture, nous le savons, est accessible à tout le monde. Il faut simplement la rendre accessible. Que quelqu'un tende la main. Comment ça se passe dans ce que vous proposez avec Bibliothèque Sans Frontières? Qui tend la main? Alors on travaille toujours avec des partenaires qui sont ancrés dans le territoire, qui connaissent les publics, qui connaissent les problématiques locales. Ça peut être des bibliothécaires, des médiathécaires qui font ce lien, qui font ce travail qu'on dit du hors les murs, qui sortent des bibliothèques pour aller à la rencontre des publics. Mais cela peut aussi être des associations locales ou des enseignants qui s'emparent de l'Idea Box et qui l'utilisent pour créer ces ponts de médiation avec les publics. Et ce qui est très important, c'est que chaque Idea Box est unique. et elle est unique parce que ce sont les populations des territoires qui vont participer à en sélectionner le contenu. Et ce contenu évolue dans le temps. Alors ça donne quoi par exemple si l'on choisit un public particulier, parce que le contenu évolue selon le public et vous dites même, Mucheng Pêche, les publics. Alors si l'on choisit un public type, par exemple, nous allons dans un quartier défavorisé, comment se construit cette Ideas Box? Quelle est la finalité de cette proposition? C'est ce qui est extrêmement intéressant pour moi, c'est presque c'est le processus qui est encore plus intéressant que l'objet final. C'est-à-dire que les partenaires avec qui on travaille vont aller sur le terrain, discuter avec la communauté, essayer de comprendre vraiment les besoins de cette communauté, et puis petit à petit, par itération, construire la collection de la médiathèque. Et c'est un travail qui est très itératif parce que parfois, les populations nous disent « on aimerait avoir ce contenu dans l'Ideas Box » et en réalité, une fois cette Ideas Box déployée et utilisée, on nous dit « eh bien en fait, ce n'est pas ce contenu-là, c'en est un autre qu'on aimerait avoir ». Et je trouve que ce processus d'aller-retour est finalement presque aussi intéressant que le contenu qu'on a au sein de l'Ideas Box. Oui, parce que le public est extrêmement varié. Nous avons parlé là des quartiers défavorisés, par exemple, mais il y en a d'autres, il y a les migrants. Alors là, le contenu est encore différent dans ce que vous proposez. Absolument, et ça pose des défis alors linguistiques potentiellement, mais c'est toujours ce qui compte, c'est que l'Ideas Box puisse vraiment répondre aux besoins des communautés. Donc on peut y trouver du contenu simplement récréationnel, culturel, qui permet aux gens de s'évader, d'aller vers l'inconnu, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait, mais on peut aussi lui trouver du contenu d'information sur des questions d'accès aux droits, sur des questions de prévention santé. On a d'ailleurs des Ideas Box qui sont thématiques. On a notamment cette Ideas Box de prévention santé qui est déployée à Boulogne-sur-Mer et à Sarcelles, où on utilise cet espace pour aller à la rencontre des jeunes et les faire créer eux-mêmes des contenus de prévention santé pour leurs pairs. Et donc là, il y a un dialogue sans cesse avec toujours cette attention portée au territoire. Ce qui est intéressant dans votre démarche, Mucheng Pêche, enfin en tout cas celle de l'association Bibliothèque Sans Frontières, dans cette réflexion, c'est que nous ne sommes pas dans une nouveauté en disant nous allons tout changer. C'est juste une longue continuité d'une démarche qui a depuis longtemps existé. Exemple, en 1968, dans Bourgogne Actualité, à propos d'une exposition itinérante. Et oui, les bibliobus. Monsieur Jeanblanc, vous êtes délégué des Francas pour la Franche-Comté et vous êtes aussi responsable d'une exposition itinérante de livres qui parcourt actuellement le Jura. Oui, c'est une exposition de livres pour enfants et pour jeunes, car nous, Francas, sommes Fédération Nationale des Centres de Loisirs pour l'Enfance et l'Adolescence. Et de ce fait, nous sommes inquiets, nous nous soucions, si vous voulez, de tout ce qui concerne les activités, la pédagogie pour les enfants. Les livres en font partie, ce qui explique notre entreprise départementale. Nous l'organisons avec l'association des parents d'élèves des écoles publiques du département et le syndicat des instituteurs. Cette exposition est mise à la disposition des enfants pendant la journée et les instituteurs viennent en général la visiter avec leurs enfants. D'autre part, à la fin des horaires scolaires, ce sont les parents qui peuvent venir voir les livres, ce qui explique l'association avec les parents d'élèves. Les enfants qui veulent rester, qui veulent lire, peuvent le faire. Les livres sont à leur disposition. Les livres sont à leur disposition. C'est à propos de l'exposition itinérante du Bibliobus dans Bourgogne Actualité. C'était en mars 1968. Mucheng Pêche, quand vous écoutez ce son, en fait, vous retrouvez la même démarche, sauf que aujourd'hui, les outils sont différents et peut-être les demandes également, c'est-à-dire l'accès à Internet est devenu une nécessité. Absolument, quand j'écoute ce témoignage, ça me rappelle des souvenirs de ce Tour de France qu'on a organisé l'année dernière avec une Ideas Box dédiée à l'inclusion numérique et à la citoyenneté numérique. Donc c'est vraiment ce même enjeu de mettre à disposition des outils, des méthodologies, des contenus d'apprentissage, et cette fois-ci sur des questions qui sont profondément d'actualité, la question de réduire la fracture numérique. Donc on a fait le Tour de France de petits villages, de grandes villes, de stations balnéaires, avec cette Ideas Box qui a été déployée sur des places de marché, sur des plages, où le public est venu poser toutes les questions qu'il pouvait avoir qui étaient liées aux technologies. Et donc c'est la renaissance d'un concept tout au service d'enjeux qui sont extrêmement prégnants aujourd'hui. Quelle est la réaction du public? Il y a une méfiance dans un premier temps où les gens sont tout de suite attirés et utilisent l'Ideas Box comme une évidence? Les gens sont curieux. C'est ce qui est extrêmement intéressant avec cette Ideas Box, c'est que, vous savez, on a conçu cet outil avec le Haut-Commissariat aux réfugiés et avec le designer Philippe Starr, qui a travaillé pour nous pro bono, et qui nous disait, ça me rappelle mon enfance, c'est comme quand le cirque arrivait et qu'il se déployait, il y avait de la musique et on venait attirer. Et bien, c'est cette impression-là qu'on essaye de recréer à chaque déploiement d'Ideas Box, de simplement ouvrir cette boîte de curiosité et que les gens viennent simplement attirer et ensuite essayent d'y trouver exactement le contenu qui les intéresse. Arnaud Bertinet, dans votre étude des musées, notamment celui de Metz, il y a cette réflexion qui vient du 19e siècle, qui est une réflexion, alors qui n'est pas simplement républicaine, qui va au-delà d'édification des populations, d'instruction des populations. Et pour le musée de Metz, nous parlons de bibliothèque, il y a un lien. Le musée de Metz était un musée-bibliothèque, comme énormément d'institutions en fait à l'époque, qui étaient doubles. À Grenoble, c'est la même chose, on a un musée-bibliothèque. Et donc vous avez d'un côté les ouvrages, les livres que vous pouvez aller consulter, et de l'autre les œuvres que vous pouvez regarder. Et ce qui est assez intéressant, je pensais à Pompidou Mobile, qui était un peu la même expérience que l'Ideas Box, qui malheureusement a pris fin. Et il y a une autre institution en région et territoire qui est très importante, ce sont les artothèques. Parce qu'on peut avoir des livres à disposition, mais aussi on peut avoir des œuvres d'art à disposition. C'est une institution qui a été créée sous Malraux, qui existe encore, qui se redéveloppe beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi être attentif à ces institutions-là, où vous prenez un abonnement et vous pouvez avoir des œuvres chez vous, multiples photos, gravures, estampes. Et c'est la même démarche, en fait, que ces livres et cette mise à disposition de la culture. Voilà, parce que si vous avez accès à la culture, l'avenir est à vous. L'avenir est à vous, c'est le titre d'une émission de septembre 1964 sur la première chaîne de la télévision française qui s'intéressait à la relation entre les jeunes et les livres. Comment lisez-vous ? À la Bibliothèque nationale. À la bibliothèque de votre quartier ? Oui. Et vous y trouvez tout ce que vous cherchez ? Oh non. Non. Malheureusement. Alors, comment faites-vous ? Ben, j'emprunte quelquefois des camarades, ou alors ma tante me donne aussi des livres, mais j'arrive à lire à peu près ce que je veux. Et qu'est-ce qui manque à la bibliothèque municipale ? Oh ben, pour les enfants, d'abord, c'est pas de notre niveau, quoi, c'est un niveau beaucoup plus bas. Par exemple, un enfant de 9 ans peut lire ce qu'on trouve à la bibliothèque, mais à mon âge, je pourrais lire autre chose et j'arrive pas. Parce que sinon, vous avez droit aux livres d'adultes à quel âge ? À 16 ans. Par exemple, citez-moi les livres d'adultes qu'on vous permet de prendre. Alexandre Dumas. Vous vous privez d'acheter autre chose pour acheter un livre ? Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que je puisse acheter qui me fasse autant plaisir que d'acheter un livre. Est-ce que vous achetez des livres surtout depuis que les livres de poste existent ? Oui, je crois, parce que vraiment, c'est un prix modique et je trouve quand même que c'est assez agréable de pouvoir lire un livre pour 200 francs. Le plaisir de la lecture en 1964 dans l'émission L'avenir est à vous à la télévision française. Michel Pêche, quand on écoute ces enfants qui parlent en 1964 sur le plaisir de la lecture et notamment des livres pour adultes, Alexandre Dumas, est-ce que vous reconnaissez ceux qui viennent pour visiter les Ideas Box ? C'est-à-dire qu'il y a une constante de curiosité même par rapport aux livres, à la lecture ? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers, alors tous les, vous parliez de la diversité des publics qu'on reçoit, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, je pense qu'il y a une révérence vis-à-vis du livre qu'on retrouve, qui parfois peut être un peu bloquante, donc c'est ce qu'on essaye aussi de surmonter, de dire que le livre doit être un objet familier, on mène un ensemble d'activités que les bibliothécaires reconnaîtront assez facilement, de familiarisation avec l'objet livre, afin que ça devienne vraiment un objet du quotidien et qu'on puisse accéder au contenu et qu'on n'en ait pas peur. Mais effectivement, cet amour du papier, je pense, est loin d'avoir été dépassé par l'arrivée des e-books, etc. Oui, il suffit de fréquenter les rayons des bibliothèques, le rayon jeunesse notamment, et on Absolument. Voit qu'il y a plein d'enfants. Mais c'est vrai que cette démarche de dire « le livre ne fait pas peur, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'ouvrir et le regarder », c'est presque un acte essentiel, salvateur et social, simplement de donner l'accès, le contact pour certains enfants avec le livre. Exactement. Pour nous, c'est le cœur de ce métier de bibliothécaire ou c'est un métier de médiateur. C'est un métier où on essaye de créer du lien entre des contenus et entre des personnes, en se disant que ces contenus, cet accès à l'information, peut aider à autonomiser, peut aider à émanciper les enfants et les jeunes, mais n'importe quel adulte également. Et c'est vrai qu'on travaille, alors c'est vrai quel que soit le contexte dans lequel on travaille, le territoire dans lequel on travaille, aussi bien dans les quartiers populaires que auprès des migrants ou dans les zones rurales. Et cette réflexion vaut également pour les musées. Il faut de la médiation pour dire, mais allez-y, entrez au musée, c'est agréable, ça ne fait pas peur. Et c'est extrêmement vrai. Au début de l'émission, vous demandiez pourquoi j'avais fait ce livre sur Metz, et je vous dirais que les trois auteurs principaux de ce livre sont passés par les services de médiation de Metz parce que leurs instituteurs les ont emmenés au musée. Et j'ai un souvenir, j'étais au CE1 ou CE2, d'un médiateur nous expliquant comment fonctionnait une clé de voûte avec des éléments en carton à Metz, dans les salles du musée. Et ça m'a profondément marqué, c'est sans doute ce qui a débuter mon amour des musées, ce qui a fait que des années après, on écrit un ouvrage sur les musées et on travaille sur l'histoire des musées. On ne dira jamais assez l'importance des enseignants comme médiateurs et simplement comme ceux qui ouvrent les portes et qui disent « allez-y, n'ayez pas peur », ce qui fait qu'après, ça change des destins complètement. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir apporté votre regard alors avec les bibliothèques, donc Bibliothèques sans frontières et les Ideas Box, avec les musées. Le ressenti, malgré tout, sur le rapport à l'institution de tout cela, vous vous sentez soutenu, Michel Pech? Avec les institutions locales, au moins, vous êtes bien accueillis? On travaille beaucoup avec les institutions locales. Je pense que c'est un aller-retour constant et nécessaire entre des acteurs de la société civile et les institutions pour faire vivre justement cette dynamique de transmission du savoir. Et les musées vont bien, Arnaud Bertinet? Ouais. Les musées vont. Ils vont bien, il y a énormément de visiteurs, mais peut-être que parfois il faudrait un peu plus les aider au quotidien. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, il fallait mettre une nuance quand même. La culture a besoin d'être défendue sans cesse. Merci Arnaud Bertinet, merci Michel Pech. Dans les musées, on trouve des tableaux, dans les bibliothèques, il y a des livres, mais pas seulement, il y a des journaux. Et dans le cours de l'histoire, il y a le journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Meduy, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un manga et la Seconde Guerre mondiale au Japon. Sengo de Sansuke Yamada commence comme un grand classique qui s'apprête à dérouler les aventures tragicomiques de deux compagnons de guerre en quête d'idées pour se reconstruire. Kadomatsu et Toku se retrouvent dans la zone de Tokyo en ruine et s'adonnent à quelques classiques du genre entre bitures plus ou moins poétiques et bagarres autour d'une baraque à soupe où viennent deviser les travailleurs du quartier. Dans une ville de Tokyo en ruine après la défaite japonaise face aux alliés et après le discours de reddition de l'empereur qui a mis fin au rêve de grandeur. Chacun se débrouille avec ses deuils, la culpabilité d'avoir mené des hommes au combat et à leur mort, ou l'incertitude de l'avenir quand la seule activité immédiatement disponible se résume à la survie, au coup de poing et à l'épuisement. Les lendemains d'une guerre perdue dans le contexte japonais, c'est aussi revoir le modèle social et le projet de société obsolète qui promettait à ces hommes une gloire immémoriale à la seule condition de mourir pour leur patrie. Toku, l'officier alcoolique, ne sort pas de sa sidération d'avoir nourri pour seul destin que sa mort certaine soit flamboyante, tandis que Kadomatsu, le gaillard sans famille et sans fortune, ne cherche qu'à retrouver l'affection d'une famille de circonstances, sans jamais avoir eu la sensation d'un avenir confiant. Mais les deux premiers tomes de Sengo rompent avec le genre. Les femmes aussi sont vétérantes, celles qui ont perdu leur famille et celles qui ont été contraintes à la prostitution dans les centres mis en place par le gouvernement pour l'armée d'occupation américaine. Sengo raconte la violence sur tous les corps, ceux qui ont décidé d'en garder la marque à jamais, comme cette prostituée qui choisit de se faire tatouer après son premier viol, ou ces hommes hantés par leurs blessures, leur propre violence en caserne ou au combat. Alors qu'est-ce qui nous lie d'après toi? Cette solidarité de survie entre le récit de la guerre qu'on se remémore dans cet après-guerre crasseux et le quotidien d'un champ de ruines sociales et politiques met en scène ceux qui n'y croient plus et pourtant. Dans un quotidien marqué par la recherche de subsistance, le marché noir et les combines lamentables, un quotidien qui se résume à la quête d'une boîte de conserve. Un Graal symbolique qui, malgré sa banalité, apporte l'amour ou la mort. Un univers où le propriétaire de la baraque à soupe offre des pêches au sirop et des cahiers d'écoliers pour faire la cour, et où une conserve piégée peut tuer un enfant qui vient pourtant de redécouvrir le plaisir d'écouter de la musique. Les deux premiers tomes de Sengo de Sansuke Yamada sont édités chez Casterman. Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire et ses podcasts sur notre site franceculture.fr et tous les liens pour aller plus loin. Dans notre réflexion sur les liens étroits qu'entretiennent la culture et le territoire dans le cours de l'histoire, nous avons installé des Ideas Box, c'est-à-dire des médiathèques en kit. Ces médiathèques en kit, où vont-elles être installées pour les prochaines, Micheng Pech? Oui, alors nous avons aujourd'hui un peu plus d'une trentaine d'Ideas Box sur le territoire. Nous venons d'en déployer une avec la médiathèque de Caen. La prochaine arrive à Antibes. Avec la collectivité locale également, et à Mayotte. À Mayotte également, parce que c'est l'ensemble du territoire. Exactement. Qui est pris en compte à différentes échelles, du quartier jusqu'à une vision beaucoup plus globale, parce que l'ambition est de parler à l'ensemble de la population. Mais pour les quartiers de migrants, il n'y a pas de difficulté d'installation particulière? On vous laisse vous installer facilement? Alors non, ça tout dépend des contextes. Travailler avec les acteurs locaux, encore une fois, c'est le cœur de notre métier. Donc on essaye toujours de trouver des acteurs qui sont déjà au contact de ces populations-là. Après, je ne vous cache pas que politiquement, cela peut parfois être complexe, mais je pense que le soutien à ces bibliothèques de façon générale est plus que jamais important aujourd'hui, car je pense que les bibliothèques sont l'un des rares lieux où on peut développer son esprit critique aujourd'hui, compétence qui est plus que jamais nécessaire. Plus que jamais nécessaire, et puis simplement, comme nous le disions, donner aux gens soit le divertissement dont ils ont besoin, la compréhension qui est absolument essentielle, et puis par vos Ideas Box, parfois simplement l'accès à Internet et à du Wi-Fi, ce qui est très important. Merci Micheng Pech. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André, Aurélie Lachkar et Aurore Juvenel. Des émissions à réécouter sur le site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Demain, nous allons au théâtre. Oui, demain, un petit tour au théâtre, les territoires sur le devant de la scène. Et puis, nous continuerons notre réflexion en étendant le territoire à l'Europe. Et oui, du local au continental, que signifie le territoire et la culture ?